la soupe de champignons. Et si je te dégoûte pas trop, je te ferai un bisou. Mélanie vient toute une journée. Gardera un DVD et je pourrais peut-être toucher tes cheveux. Allez, solo. Perdu le bonheur, aide-moi à le ramasser, Mélanie.